Section 3 de À la plus belle par Paul Féval, père. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Chapitre 5 où Fierabras, l'araignoir, tient le dé de la conversation. Fierabras s'emplit la bouche de venaison et fit mine de se donner tout entier à son appétit. Il avait éveillé l'attention, excité l'impatience. Il pouvait manger à son aise, autour de la table on attendait. Jeannin surtout fixait sur le nain ses grands yeux où la curiosité se montrait franchement. Le nain tenait rigueur. « Que parlais-tu du roi Louis de France, enfant ?» demanda enfin Madame Reine. « Ah ! » répliqua l'araignoir. « On dit ceci et cela, vous savez bien, noble dame, il y a tant de bavards ici-bas. Je pense que le soleil d'aujourd'hui va hâter la moisson, n'est-ce pas vrai ?» Tu disais ?« Oui, oui. » Quant à dire, voyez-vous, il y en aurait pour jusqu'à demain. Tous ces pèlerins qui viennent, on ne sait d'où, d'Italie, d'Allemagne, de Bohême, pour s'agenouiller dans la basilique de Saint-Michel, tous ces pèlerins étrangers ont chacun deux ou trois histoires. Et figurez-vous que les hôtelleries d'Avranches et de Pont-Orson regorgent. Mais ce n'est rien. On voit des tentes le long de la côte, depuis Couesnon jusqu'à la Cé. Le vieux père Bruno prétend que le nombre de ces errants s'élève à 30 000. « 30 000 !» répéta Madame Reine. « Voilà une belle dévotion !»« Ce n'est pas trop pour la gloire de Monseigneur Saint-Michel-Archange, » dit le chapelain dont ses douanes. « Ce ne serait pas assez s'il venait pour le Saint-Archange, » repartit Fierabras. « Mais sur 30 000 pèlerins, il y a bien 20 000 de taupins, égyptiens, zingars, baladins et autres, sans compter les chrétiens comme le chevalier comte Otto Beringhem, qui est venu lui aussi de bien loin, et non point pour le grand Saint-Michel. » « Mais le roi Louis XIe, » insista encore Madame Reine, « eh bien, c'est justement l'homme de fer qui doit jeter pour lui le maléfice. Personne n'ignore que le comte Otto est initié au sort napolitain et versé dans les mystères de la magie noire. Les enfants qu'il enlève et qu'on ne revoit plus servent à ces terribles pratiques. Monsieur de Couetquen, monseigneur, m'a conté comme quoi on avait mis à mort jadis le maréchal Gilles de Laval, baron de Ray. Pour les enfants, jeunes garçons et jeunes filles qu'il avait poignardés dans son château de Tiffauges. Le malin hurla pendant 15 nuits dans les forêts de Pausauges et de Château-Moran, pleurant son fils, décapité par le glaive. Si on coupe la tête du noble comte Otto, vous verrez que le malin hurlera pendant 1 mois. « Et, » demanda Jeannin, qui écoutait tout cela fort attentivement, « pourquoi le roi Louis XIe veut-il jeter un maléfice à notre seigneur le duc ?»« Voilà !» dit l'araignoir avec emphase. Voilà ce que bien des clercs, et même des gentilshommes, ne sauraient pas vous dire. Mais moi, quand je voyage, cela profite à mon instruction. Ne vous impatientez pas, noble dame. Le nain venait de surprendre un vif mouvement d'impatience, échappé à la digne et grave Madame Reine. Mais il se faisait trop d'honneur en se l'attribuant, on ne songeait point à lui. Madame Reine avait intercepté un regard que Messire Aubry lançait à certaine adresse. Elle avait vu en outre deux larmes qui roulaient sur la joue de Jeannine. La jeune fille les avait bien vite essuyées, ces deux larmes, mais l'œil de Madame Reine était agile. Il n'y eut du reste que Madame Reine à voir le regard de Messire Aubry et les larmes furtives de la fillette. Jeannin était tout entier à sa tranche de bœuf presque achevée et à l'histoire du nain qui commençait. Marcou cherchait une espièglerie à faire, dont Sidoine épurait en idée un texte obscur de certains manuscrits du IXe siècle. Maître Bellamy se demandait combien Binic, le fermier de Moulin Bernier, moudrait de somme à un dernier tournoi la double pour parfaire 2 écus qu'il redevait sur son bail. « Tant il y a, » reprit le nain, « qu'après avoir mangé 2 tourtes chez la mère Lesquien, et les 2 tourtes étaient bonnes, j'ai poussé jusqu'au mont Saint-Michel pour voir le roi. » « Le roi est donc au Mont-Saint-Michel ? » demanda encore Jeannin. « Eh ! » s'écria Madame Reine avec un peu d'aigreur. « Si vous ne laissez pas parler l'enfant, il n'achèvera jamais. »« Maître Jeannin, » dit Fierabras, « vous êtes un soldat vaillant. Mais du diable, si vous savez d'où vient le vent aujourd'hui. Le roi est arrivé au Mont-Saint-Michel pour installer son nouvel ordre de chevalerie. Voilà qui sera beau, la fête de consécration. Tubeuf, Messire de Couetquen me donnera sa vieille cape pour me faire un pourpoint neuf. » Et je marcherai derrière les 2 filles d'honneur de Madame Jeanne, sa femme, pour donner ainsi du relief à la maison. Donc, quand je suis entré au monastère, la grève était pleine de soudards français qui chantaient vêpres d'enfer, de pèlerins étrangers avec leurs enfants et leurs femmes, tout cela grouillait sur le sable. Les soldats poussaient les pèlerins qui maudissaient les soldats, les femmes faisaient semblant de frémir et regardaient par-dessous les casques luisants, les enfants criaient comme un millier de pies. Moi, je mangeais le reste de ma deuxième tourte sans rien dire. Un homme n'a que faire de se mêler de ces piailleries. Voilà donc qu'on m'ouvre la porte et que je dise au tourrier qui est de mes amis « Bonjour, frère Étienne, je viens voir un peu le roi. »« Eh bien, Tranche-Montagne, » me répondit frère Étienne. Il a l'habitude de m'appeler Tranche-Montagne. « Tu n'as qu'à attendre au bas de l'escalier de la salle des gardes, le roi va passer. » J'avais fini ma seconde tourte, qui était bien la meilleure des deux. J'allais m'asseoir sur la dernière marche de l'escalier. Les soudards me regardaient. « Vous savez que tout le monde me regarde. Pourquoi ? Demandez aux innocents pourquoi ils mirent la lune. » J'entendis des pas derrière moi sur le pavé de la salle des gardes. Je me retournai. Je vis un bonhomme à l'air malade, habillé de drap brun, avec un bonnet à visière comme les coquetiers montois. À son bonnet pendaient des amulettes d'étain. Il portait, attaché à une chaîne d'orfèvrerie, au beau milieu de la poitrine, un Saint-Michel en argent, gros comme la moitié de ma tête. Il était tout seul avec le prieur claustral. Mais à ce moment-là, des trompettes cornèrent au dehors, et il se fit un grand remue-ménage. La porte du couvent s'ouvrit à deux battants. Un seigneur doré, empanaché, un beau seigneur, celui-là, entra dans la courtine avec une escorte superbe. « Ah ah ! » me dis-je, « voici bien sûr le roi !»« Non, non !» me répondit frère Étienne qui était à côté de moi. « C'est Jean d'Armagnac, comte de Comminges, qui a été envoyé en mission près du duc de Bretagne. » La courtine s'emplissait de gentilshommes et de soldats. Je cherchais toujours le roi. Quand le comte de Comminges aperçut le bonhomme habillé de drap brun, il s'approcha et lui baisa la main. Après quoi il lui parla en l'appelant « Sire et votre majesté ». Le bonhomme était bel et bien le roi Louis XIe. Quelle que soit l'opinion du lecteur sur la façon de compter de Fierabras la Rignoire, il est certain qu'il obtenait un énorme succès d'attention. Il poursuivit. Le roi dit « Eh bien, monsieur de Comminges, notre beau cousin de Bretagne est-il content de nous ?» Il paraît que ce Comminges s'était rendu auprès du duc François pour lui offrir de la part du roi le cordon du nouvel ordre de Saint-Michel. « Par mon patron, s'écria Jeannin, j'ai entendu parler des statuts de ce nouvel ordre et du serment des chevaliers. Si notre seigneur le duc a accepté, autant valait faire hommage lige pour le duché de Bretagne et se reconnaître sujet du roi. « C'était bien ce que le roi voulait, » dit le chapelain Sidoine. Il y avait à cette époque en Bretagne, dans toutes les classes sociales, une si profonde horreur de la domination française que chacun autour de la table se sentit le cœur serré comme à la dernière passe d'une partie décisive. « Si le roi voulait cela, » continuait Fierabras, « le roi avait compté sans son beau cousin, car voici ce que Comminges lui a répondu. « Sire, le duc François rend grâce à votre majesté, mais il ne peut accepter l'honneur que votre bonne affection lui destinait. » À cette nouvelle, le roi est devenu vert, mais vert. Puis il a souri tout doucement, puis encore il a baisé avec bien de la dévotion sa grosse image de Saint-Michel. Frère Étienne m'a glissé à l'oreille, « J'aime mieux être dans mes choses que dans celles du duc François, Tranche-Montagne. » Je vous ai déjà dit qu'il avait l'habitude de m'appeler Tranche-Montagne. Comme je descendais la rampe pour m'en retourner, j'ai entendu les hommes d'armes qui disaient qu'on donnerait 1000 écus d'or à l'homme de fer pour qu'il jette un maléfice à François de Bretagne. Le nain se tut, un assez long silence se fit. « Nous vivons dans un temps de malheur, » dit Madame Reine. « Que peut faire une pauvre femme qui n'a plus d'époux ?» Il y avait des larmes dans ses yeux. C'était le souvenir de l'homme véritablement aimé qu'elle avait perdu. Et ce souvenir la fit tout à coup ce qu'elle était autrefois, tendre et bonne. « Serrons-nous les uns contre les autres, mes amis, » reprit-elle. « Jeannin, veille sur l'enfant de ton seigneur. Fais-en bien vite un homme fort et redoutable, aux méchants, comme tu l'es toi-même. Jeannine, chère petite, ne soyez plus triste. Parfois, ce que je crains et ce que je souffre conduisent ma parole au-delà de ma pensée. Venez m'embrasser, ma fille. » Jeannine courut à Madame Reine et lui baisa les mains avec une ardeur passionnée. Madame Reine l'attira sur son cœur. Aubry se cachait pour sourire et ses yeux étaient humides. Jeannin ne comprenait point trop ce qu'il y avait au fond de cet attendrissement subi, mais il en était bien heureux. « Don Sidoine, » dit Madame Reine, « veuillez nous réciter les grâces. » Tout le monde se leva, le chapelain prononça l'oraison latine à haute voix. Je vous prie, don Sidoine, reprit la châtelaine, ajoutez un verset à notre prière du soir pour le salut de notre seigneur le duc en ce monde et dans l'autre. Noble dame, dit maître Bellamy, l'intendant, vous plaît-il recevoir aujourd'hui mes comptes ? Madame Reine s'appuya sur le bras maigre de maître Bellamy et sortit de la chambre. De même qu'une odeur d'ambroisie restait sur le passage de Vénus, de même une douce musique de clef vibra dans l'air un instant après le départ de la jolie châtelaine. Quand la porte fut retombée derrière elle, don Sidoine regagna sa retraite afin de donner un coup d'œil à ce certain manuscrit du IXe siècle. Marcou de Saint-Laurent prit sa volée sans songer à tirer les cheveux de Fierabras. Aubry releva ses yeux sur Jeannine qui baissa les siens. Fierabras s'approcha du bon écuyer. « Maître Jeannin, lui dit-il, si vous voulez, votre fille sera la femme d'un chevalier. » Jeannin, étonné, regarda le nain en face. Il eût mieux fait de regarder du côté de messire Aubry qui disait à sa fillette « Jeannine, je vous en prie, ne me refusez pas. Il faut que je vous parle. » Le nain riait à la barbe du bon Jeannin. « Oui, oui, » ajouta-t-il en songeant tout haut, et cette fois sans railler. « Oui, certes, et si tu avais autant de finesse que tu as de vaillance et de loyauté, mon ami Jeannin, ce ne serait pas une mésalliance pour le chevalier qui épouserait ta fille. » Jeannin étendit la main pour le saisir. « M'expliqueras-tu les billevesées que tu viens de me chanter depuis un mois, méchant lutin » commença-t-il. Mais Fierabras se retourna soudain, lui glissa entre les jambes comme une couleuvre, passa sous la table et s'enfuit en riant. Chapitre 6. Où Fierabras continue d'être un nain d'importance. Dans la cuisine, on n'avait pas encore fini de dîner. La cuisine était sans contredit beaucoup plus gaie que la salle à manger. D'abord, il y avait le cuivre brillant des chaudrons et bassins qui reluisait allègrement à gauche de l'énorme cheminée. Ensuite, le soleil de midi jetait deux larges rayons par les fenêtres à barreaux de bois et mettait en lumière des myriades d'atomes qui joyeusement tourbillonnaient. Sous la cendre du foyer, quelques tisons fumaient. Le soleil se glissait oblique, détachait la grande crémaillère de son fond de suie diamantée et donnait à la spirale de fumée qui montait avec lenteur des tons de perles et d'azur. Ferragus et Dame Louise, placés symétriquement aux deux coins du foyer et dormant du même sommeil dans une posture semblable, eussent révélé au plus naïf des grammairiens l'étymologie frappante et authentique du mot « chenet ». D'autres chiens de race mêlée gagnaient leur vie sous la table, entre les jambes des convives, ou bien se disputaient un fond d'écuelle sur la terre battue et montueuse qui faisait office de plancher. À la tête des serviteurs du Rose, se plaçait un vieux couple, Mathurin et Gothon, le mari et la femme. Mathurin était pour les bœufs de labour et les chevaux de trait. Gothon tenait la lingerie. On les regardait comme deux époux modèles, il y avait 40 ans qu'ils se battaient avec fidélité en s'aimant d'eux-mêmes. Venait ensuite Pélo, le bouvier engraisseur, Matelin, le pasteur des gorets, et la petite Jouanne qui gardait les oies à la mare. Puis Josy le bûcheron, puis Bertrade, la grosse treilleuse, puis Maître Andou le reboutou, rebouteur, chirurgien villageois. Maître Andou soignait d'un zèle pareil les chrétiens et les bêtes. « À tout coup, dit Josile, si c'est qu'on l'a vu, bien vu, vraiment vu, v'là qu'est drôle, ma foi jurée, quoique tout ce qu'on dit ne sont point paroles d'évangile. Bout-moi une petite galette, Matelin, et quant à ce qu'est ça qu'on l'a vu, qui l'a vu ?» Qui l'a vu ? Répéta Josile de cet air qu'on prend pour faire une réponse péremptoire et foudroyer l'incrédulité. À tout coup, la Bertrade. Ah, dame, je ne sais point qui l'a vu, mais sûr et certain, on l'a vu. Aussi vrai que t'as un petit yeux et un grand yeux, que ton petit regarde à Dole et que ton grand regarde à Plédien, bédame. Cette plaisanterie était du calibre voulu pour faire rire l'assistance. Bertrade, qui louchait, répliqua rondement. Ah là là, mon Dieu donc, José, mon pauvre gars. Quand c'est que je regardais, tout drait d'avant mai, je veillais toujours ta goule, et doucettement pour ne plus le voir, ton bec, qu'est traviole. J'aimais habitué à y regarder gaucha. Mon doux Jésus sauveur, s'écria la vieille Gothon, v'là comme les filles parlent mes huit aïennes. Aïennes, t'es une défrontée, la Bertrade. Qu'elle n'a pourtant point commencé, fit observer Mathurin, mari de la préopinante. Tu vas la soutenir, est-ce pas vrai, bonhomme ? Demanda-t-elle avec menace. Tu m'en empêcherais-tu, la bonne femme ? On avait vu des querelles, entamées moins vivement, aboutir d'affreux combats entre Beau-Sigotaine et Philémon Mathurin. Heureusement que le paysan breton est tenace de sa nature et ne se laisse pas distraire volontiers de l'objet qui occupe sa pensée. Personne n'avait envie de voir les deux époux se livrer bataille. On voulait savoir. Qui l'a vu ? Voilà quelle était la grande question. Car il s'agissait d'un être étrange et terrible, de l'homme de fer, du comte Otto Beringhem, le tueur d'enfants, l'ogre à la barbe bleue, le mécréant, etc. Tous ces noms étaient à lui. « Allons, allons, vieil goton, dit Pélot le Bouvier. Allons, Mathurin sans dents, la paix !» Suivant l'usage éternel, Mathurin et Goton allaient s'unir pour tomber à bras raccourcis sur le médiateur, lorsque la petite Joanne, que sa langue démangeait depuis une heure, remit sur le tapis la question brûlante. « Il y en a plus d'un qui l'a vu, dit-elle, sans compter Yvon, le patour du presbytère. « Yvon l'a vu ? » s'écrièrent à la fois 5 ou 6 voix. Et personne ne s'occupa plus du vieux couple batailleur. Joanne rougit d'orgueil et de plaisir devant l'attention excitée par elle. « Oui, oui, répondit-elle, je ne suis pas pour m'épouser avec Yvon, mesdames, on se rencontre par les chemins. Il a ses brebis, j'ai mes oies. Mais l'ogre, l'ogre ! On y vient. Y a donc qu'Yvon m'a trouvé hier au carrefour de la Croix-Marion, et comme je lui disais bonjour à vous, Vonique, et chez vous, j'ai vu qu'il était blanc comme un linge. Quoi donc vous avez, Vonique ? J'ai fait. Il m'a dit-il avec une voix cassée, Joanne, ma fillette, j'ai les fièvres aussi dures qu'on les a pour aller en terre. Mais depuis quand, mon Vonique, que vous les avez ? Depuis avant-hier, minuit, ma fillette Joanne, que j'ai vu le démon dans les bois de la Gouenière, qui courait, avec les chiens gares qui soufflaient du feu par les nazis, et des hommes rouges sur des chevaux noirs. Oh, j'ai fait 10 ans, mon Vonique, t'avais ben les fièvres d'avant ça, et c'est les fièvres qui t'ont bouté le mauvais rêve ? Non fait, qu'il m'a fait 10 ans. J'étais en bon état, par ma foi, dame, oui, que j'avais été voir ma bonne femme de mère à Saint-Méloire, et que j'avais mangé de la querée de veau fricassée dans du Saint-Doux, bravement bon que c'était. En tournant au v'là de la Gouenière, j'ai ouï les pas des chevaux, et tout à coup, je pas tant seulement pu me détourner qu'ils sont passés roquant la montée au galop. V'là ce qu'il m'a dit, disant, pour un clos tout paré et semé, je ne voudrais pas mentir, mes amis, et qu'il a ajouté, faisant, ma Joanne, le maître à tous avait une plume noire à son chaperon, et un pauvre petit enfant couché en travers, sur le pommeau de sa selle. Joanne se tut. Pendant le silence qui eut lieu, le petit éclat de rire sec et strident que nous avons entendu déjà derrière la haie de houx sur la plateforme se fit ouïr du côté de la porte. Tout le monde tressaillit, la porte s'ouvrit brusquement, et la tête rouge du nain fier à bras se montra au ras du seuil. Il s'élança, fit une gambade, sauta sur les genoux de Dame Goton scandalisée, et de là sur la table où il s'accroupit dans un plat vide. « Oh, qu'on apprend de bonnes histoires, petite Joanne, ma mignonnette, dit-il, quand on court la prétentaine avec les patours. »« Je ne cours pas la prétentaine, s'écria Joanne en colère. Mais les rieurs étaient déjà du côté du nain. On ne songeait plus à trembler, fier à bras, reprit, « Joanne, ma mignonnette, ne te fâche pas. » Et quand tu rencontreras Vonique au carrefour de la Croix-Marion, ou ailleurs, dis-lui qu'il a eu grand tort de prendre les fièvres pour si peu. Ce n'est pas l'homme de fer qu'il a vu sous le bourg de la Gouenière, c'est Huguet, le vieil homme d'armes de Châteauneuf, avec ses 4 archers, qui allait boire du cidre doux à Saint-Benoît-des-Ondes. Et Vonique a vu trouble, ma petite Joanne, car Huguet, le pauvre bonhomme, n'a ni chaperon ni plume noire. Il porte une salade rouillée qui n'a pas été fourbie depuis le temps du duc Jean. Quant à la malheureuse créature qui était couchée en travers de la selle, ce n'était pas un enfant, c'était un homme. « Et qu'en sais-tu, quart de damnée ? » dit Joanne. « Oh, mignonnette, te voilà bien marie. Ce que j'en sais, par ma foi, c'était moi qui allais aussi boire du cidre doux à Saint-Benoît-des-Ondes et qui était en travers de la selle du bonhomme Huguet, à preuve que j'ai vu ton Vonique qui s'enfuyait en brayant comme un âne. » Un éclat de rire général accueillit cette conclusion. Joanne se mit à pleurer, la pauvre enfant, fier à bras triomphait. Non pas que ce fût un méchant nain, au contraire, c'était un bon nain. Mais c'était un nain. Il sortit de son plat et fit 2 ou 3 tours sur la table, les mains derrière le dos, marchant à pas comptés avec beaucoup d'importance. Son caprice était de changer maintenant la gaieté revenue en frayeur, comme il avait changé naguère la frayeur en gaieté. Il glissa un coup d'œil vers la fenêtre et vit qu'un gros nuage allait passer sur le soleil. Fort de cette observation, il tourna le dos à la lumière, attendit un instant et s'écria tout à coup « Ce soleil me gêne, je le chasse !» L'ombre se fit comme par enchantement. Le nuage était sur le soleil. Les gens du rose se regardèrent ébahis. Le nain, apaisé par l'obéissance du roi des astres, reprit avec bonhomie « À la bonne heure, je le laisserai revenir bientôt !» Le nuage était épais et les petits carreaux de la cuisine avaient une honnête couche de poussière. Tous les objets, éclairés naguère si vivement, se plongeaient dans un demi-jour obscur. Le feu rougissait sous la cendre, on ne riait déjà plus. Si Vonik le Patour avait vu le maudit en personne, reprit encore le nain d'une voix sombre, ce n'est pas les fièvres qui l'auraient tué, c'est le mal dont on ne guérit point. Les gars et les filles, le mal d'enfer, qui tue ? Dame Goton fit le signe de la croix. En ce moment, Mathurin, son époux, aurait pu l'appeler vieille sorcière sans qu'elle lui jetât son écuelle au visage, tant elle était réduite par la terreur. Personne ne souffla mot. « Il passe de nuit sur la grève, » continua Fierabras, en scandant chacune de ses paroles. « Il va, tout seul. Son cheval est noir comme un charbon éteint, noir avec un triangle blanc entre les deux yeux. Il est grand. On voit sa tête au-dessus du brouillard, comme la cime du mont Saint-Michel. Il est muet. Dans la forêt d'Andenne, j'ai vu les feuilles des arbres se tordre en pétillant et tomber desséchées parce qu'il avait respiré. Vous eussiez trouvé autour de la table toutes les figures pâles, tous les yeux agrandis ou baissés. Les hommes cherchaient dans leurs pochettes la croix bénite de leur chapelet. Le nain poursuivait, debout au milieu de la table, les bras croisés sur sa poitrine et rythmant sa parole comme un chant. Entre Pont-Orson et Avranches, le sol est couvert de cabanes et de tentes. Les étrangers sont venus de tous les pays chrétiens pour honorer Monseigneur Saint-Michel dans sa basilique. Chaque jour, la grève ouvre et referme ses sables sur bien des cadavres. Car les étrangers ne savent pas les dangers des grèves. Mais tous les cadavres qui se cachent sous le sable ne sont pas les victimes des tangues mouvantes. L'homme de fer, le mécréant, l'ogre d'Allemagne, le comte Otto Beringhem vient en aide aux tangues et à la mer. On sait bien cela, les gars et les filles, mais qui oserait s'attaquer au comte Otto Beringhem, l'homme de fer ? Souvent, la pauvre étrangère qui a traversé tant de contrées pour arriver au terme du pèlerinage s'endort sous sa tente avec son enfant à ses côtés. Quand l'aube vient, elle s'éveille, son enfant n'est plus là, son enfant chéri. C'est le comte Otto qui a glissé sa main damnée sous la toile de la tente. Le fiancé a dit à sa fiancée à demain, et les beaux rêves qu'il fait en attendant le jour. Le jour se lève, où est la fiancée ? Le comte Otto saurait le dire. Voici un jeune garçon qui aura 14 ans, vient de Pâques fleurie. On lui apprend le catéchisme afin qu'il fasse sa première communion comme le fils d'un chrétien. Son père et sa mère ont épargné sur le nécessaire de chaque jour pour lui donner un beau vestaquin de toile grise, feutré de laine, et des sandales pointues en bon cuir tanné. Oh, l'enfant heureux, les cloches sonnent à la paroisse. On sent les feuilles de rosée et le buis coupé menu, comme un jour de fête-dieu. Qu'il vienne, l'enfant, avec ses habits neufs et ses cheveux blonds peignés par sa mère attendrie. Mais qu'il vienne, on l'attend. Hélas, Seigneur, l'enfant ne viendra pas. Le comte Otto avait marqué d'une croix la pauvre porte de son père. On eût dit que le nain s'était transfiguré au feu d'une inspiration étrange et soudaine. Son visage pâle ressortait sous ses cheveux sanglants, ses yeux brillaient, sa voix avait de l'harmonie, les gens du rose étaient sous le coup d'un charme. « S'il marche seul, le comte Otto, la nuit sur son cheval noir, » poursuivit encore le nain en changeant de ton, « ce n'est pas qu'il manque de serviteurs. Il a 50 hommes d'armes mieux équipés que les gardes écossais du roi de France. Il a un chapelain habillé en évêque, quoique notre Saint-Père ne l'ait point mitré. Il a 12 chanoines hérétiques pour sa chapelle, qui est une cathédrale, quoique de croix sur l'autel, point il n'y est, vraiment. Il a 12 pages et 12 damoiselles suivantes plus belles que des fées. Il a de l'or et des rubis, et des diamants et des perles. 3 sorciers, un sarrasin, un napolitain et un juif cherchent pour lui, le jour et la nuit, dans les grimoires, la science de l'immortalité. Où dort-il ? Écoutez, quand le ciel est clair, avez-vous vu du rivage ces points sombres qui tachent la mer embrasée ? Loin, bien loin, si loin que l'œil se fatigue à deviner ce qu'il voit. Ce sont des îles. Dans la plus grande de ces îles, le comte Otto à son palais, dont les colonnes sont d'or et de porphyre. C'est là qu'il verse le sang des enfants et des femmes dans des vases de jaspe et de cristal. C'est là. Pour se défendre, il a la grande mère et l'aide du démon. Il a ses hommes d'armes, sa lance et ses maléfices. Et cependant, il sera tué. Allons, soleil, reviens si tu veux. Fierabra avait guetté de l'œil le passage de la nuée. Le soleil, docile, inonda la vaste cuisine et fit danser de nouveau la poussière dans ses raies larges et dorées. Fierabra n'était plus un nain, c'était un géant. Les bonnes gens du Rose avaient envie de s'agenouiller autour de lui et de baiser la poussière de ses sandales usées. Fin de la section 3.